Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le troisième samedi du mois. Il est un peu plus de midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus et vous avez raison d'écouter Angle d'attaque, l'émission proposée par Attaque Métropole qui réunit, je le rappelle au passage, Attaque Lille, Attaque Roubaix-Tourcoing et Attaque Villeneuve-d'Ascq. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour réaliser cette émission, Florent est aux commandes, Ludovic, Louis qui nous fait le plaisir de venir de Paris tout exprès, il vient de quitter Lille, le malheureux, René Lascience inévitablement et bien sûr Christian. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien, le thème du jour est deux points, ouvrez les guillemets, le traitement médiatique des mouvements sociaux. Et dit comme ça, ça fait un peu à l'intello. Mais d'une part, à Attaque, on ne se le refuse pas d'avoir des thèmes intello, et puisque de toute façon, et d'autre part, on a diablement besoin de comprendre comment fonctionnent ces médias qui ne nous font pas la part belle en dépit de quelques rares interventions des porte-parole d'Attaque parmi l'accablant et omniprésent flot d'interventions d'idéologues libéraux sur les médias. Ainsi, pour parler du traitement médiatique des mouvements sociaux, nous avons fait appel à un média, justement, un peu particulier, qui s'est donné comme fonction, et je devrais pouvoir dire mission, de critiquer les médias. Ce qui ne peut se faire qu'en les observant finement, en décortiquant les discours, en les analysant avec sérieux, avant de nous, les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, faire part de ses commentaires, l'humour n'est pas exclu, sur son site acrimed.org, puisqu'il s'agit d'un média en ligne. Tout y passe, rien n'échappe à Acrimed. Comprenez Action Critique Média, qui a délégué un de ses membres pour cet entretien téléphonique. Et c'est avec plaisir que nous allons accueillir dans une minute Julien Salingue, qui est au téléphone avec Florent. On y arrive dans une seconde. Voilà, un peu de silence, ça arrive à Radio Campus, c'est un blanc, on appelle ça un blanc d'ailleurs. Et on va attendre Julien Salingue, que j'ai eu au téléphone il y a 3 minutes, ça devrait marcher maintenant. Florent, tu as Julien Salingue au téléphone ? Non, pour l'instant je n'entends pas, non. Allô. Ah, voilà, j'ai un retour. Un peu faible, maintenant un peu fort d'ailleurs. Voilà, tu règles le son. Bien, donc, je disais que rien n'échappe à Acrimed, comprenez Action Critique Média, qui a délégué un de ses membres pour cet entretien téléphonique, et c'est avec plaisir que nous vous accueillons, Julien Salingue. Bonjour, Julien Salingue, bonjour. Merci d'être avec nous pour une quarantaine de minutes. L'entretien sera mené par Louis qui commence, mais aussi bien sûr Ludovic qui n'est pas pour rien pour le choix de ce titre, et puis René Lascience à mes côtés et moi-même. Voilà, et Florent peut intervenir bien entendu. C'est Louis qui démarre. Bonjour Julien. Oui, bonjour. qu'on souhaitait revenir dans un premier temps sur... Le verre. Pardon. Nous souhaitions revenir dans un premier temps sur Acrimed. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce qu'on va surtout se concentrer sur le traitement médiatique de la contestation contre la loi El Khomri. Mais c'est dans des conditions, pourrait-on dire, similaires qu'Acrimed est né, puisque ce qui a présidé à la naissance d'Acrimed, c'est la réaction au traitement médiatique des 4 semaines de grève contre le plan Juppé. Tout à fait. En fait, Acrimed est connu notamment par son site internet et ses articles. Mais ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est qu'Acrimed est une association qui vient de fêter ses 20 ans et qui est née effectivement dans la foulée des mobilisations de novembre-décembre 1995 du constat partagé par un certain nombre de militants, de journalistes et d'universitaires, constat de la nécessité, au vu du traitement médiatique à cette époque du mouvement contre le plan Juppé, d'avoir de constituer un observatoire des médias qui se fixerait comme objectif de produire des contenus, de produire de l'analyse, de produire de la pensée sur les dispositifs médiatiques, sur on va dire l'information et la manière dont on est informé en France, mais aussi de proposer un certain nombre de transformations pour peser sur les évolutions du champ médiatique. Donc voilà, c'est de là qu'est né Acrimed en 1996, avec ses 3 objectifs: observer ce qui se passe dans les médias, que ce soit l'information elle-même ou les conditions de sa production, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire aussi les conditions de travail des journalistes, les mouvements d'appropriation des médias. Deuxièmement, donc, d'informer sur l'information, et troisièmement, de proposer d'agir pour transformer le paysage médiatique. Là, c'est Ludovic qui va prendre la parole pour le thème du jour. Alors maintenant. Oui, alors effectivement, bonjour Julien. Donc je voulais revenir effectivement sur la thématique, donc en l'occurrence le traitement médiatique de la loi travail. Alors vous dites sur le site d'Acrimed que la couverture de ces violences, notamment les violences policières, qui a été un des éléments centraux de du traitement médiatique, a été traité de manière assez habituelle par les médias, à savoir une absence de critique des sources policières. Est-ce que vous pourriez éventuellement revenir sur cet aspect-là? Oui, alors c'est vrai qu'on a assisté, comme bien souvent dans la couverture médiatique par les grands médias, hein, les principales chaînes de télé, principales stations de radio et principaux organes de presse papier, avec les déclinaisons internet de ces trois-là, mm-hmm. On a assisté, comme bien souvent, à une focale toute particulière, on va dire, sur des phénomènes marginaux dans les manifestations, qui étaient les violences entre guillemets commises par les manifestants, et très peu d'informations sur la question des violences policières elles-mêmes, qui pourtant se sont multipliées pendant ce mouvement, et avec effectivement cette continuité, on va dire, qu'on avait déjà vu au moment, par exemple, des manifestations contre l'état d'urgence en novembre de l'année dernière, qui consiste à reprendre systématiquement pour argent comptant la parole policière, la parole des autorités, la parole du ministère, la communication de la préfecture de Paris, comme étant une source, on va dire, neutre. Et de mettre en cause, par contre, la parole des manifestants victimes de violences policières, avec, y compris dans le choix des mots, c'est-à-dire qu'on emploie peu le terme violence policière lui-même. Des fois, on va parler de dérapage, des fois, on va parler d'incident. Et il aura fallu, en réalité, que des vidéos particulièrement éloquentes circulent sur les réseaux sociaux dans un premier temps et finissent, entre guillemets, par percer sur certains grands médias, pour que la question soit posée de manière un peu plus ouverte. Et je pense notamment à la vidéo de ce jeune lycéen à Bergson, à Paris, qui s'était fait fracasser par un policier, la scène ayant été filmée. Voilà. Mais bon, le finalement, ce qui est triste entre guillemets là-dedans, c'est que ce n'est qu'une répétition de choses qu'on a déjà vues par le passé, et que visiblement, de la part d'un certain nombre de directions de rédaction, on ne tire pas les leçons des erreurs passées. Et alors, comment vous l'expliquez là, cette redite dans ce travers donc bien connu, comment vous l'expliquez? Alors bon, il y a plusieurs facteurs. Bon, il y en a un qui est comment dire, une adhésion spontanée, on va dire, aux versions policières des événements. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez répandu dans le champ médiatique. On considère que la parole venue des organes du pouvoir est plus légitime que la parole venue de ceux qui le contestent. Ça ne signifie pas nécessairement qu'il y a une volonté de s'identifier entre guillemets aux organes de pouvoir ou à la police ou au ministère de l'Intérieur, mais disons que c'est une confiance spontanée et qui se retrouve dans bien d'autres domaines que les seules violences policières. Et puis il y a un deuxième élément qu'il faut pas sous-estimer, c'est que il y a aussi une problématique qui est tout simplement celle des sources et des réseaux entre guillemets que les journalistes développent ou ne développent pas. Et par exemple, quand on parle du traitement médiatique des banlieues, c'est quelque chose qui revient souvent dans les travaux un peu universitaires sur le traitement médiatique des banlieues. C'est on se rend compte que les journalistes, les grands médias ont un carnet d'adresses très rempli pour ce qui est des flics. Par contre, pour ce qui est des habitants des quartiers, des militants, des gens qui ont des choses à dire sur ce qui s'y passe, le carnet est beaucoup moins rempli. Pour des raisons aussi tout simplement sociales, c'est des lieux où on n'habite pas. Quand on est journaliste dans un grand média, en général on n'habite pas dans ces quartiers-là, on n'y a pas grandi. C'est une question de sociologie des journalistes aussi, de méconnaissance de ces quartiers. Et donc c'est vrai que voilà, là le carnet d'adresses est bien rempli au niveau de la police, qui par ailleurs communique très bien. Et le dernier élément qu'il faut pas sous-estimer non plus, qui est pas spécifique aux violences policières, mais qui est tout simplement que les journalistes dans les grands médias ont une tendance à se copier entre eux, donc à répéter ce que les autres disent. Et donc une fois entre guillemets que c'est parti, que la préfecture communique et que l'info est reprise par un, tout le monde va la reprendre et ça va faire un effet de masse qui va faire un bruit médiatique dominant, favorable, on va dire, quand bien même l'intention ne serait pas nécessairement de défendre l'institution. Une question de Louis qui tutoie à côté de Ludovic qui vous voit. Pardon, c'était spontané. Parce que comme, du coup, je reprends le vouvoiement. Comme vous l'indiquez, il n'y a plus rien d'étonnant à ça. Du moins, personne ne s'en étonne plus. Parce que ce qui transparaît de vos travaux à Acrimed, c'est que il existe de la part des éditocrates une véritable méthode. Dans le traitement de l'information, une méthode éprouvée de longue date, à tel point que désormais est hontée, elle ne s'enquiquine même plus de ou à peine de dissimuler la haine de classe qu'elle sous-tend. Cette méthode, même si nous on s'interroge quant à savoir comment elle peut encore faire mouche tant elle est éculée, elle emprunte les traits d'une mesure à plusieurs temps avant d'en venir à la question des violences policières. Il y a d'abord différents temps qui interviennent. Le premier d'entre eux, semble-t-il, c'est la légitimation de la réforme. Oui, alors ça c'est quelque chose auquel on a assisté de nouveau autour de la loi travail. Mais j'en profite pour préciser que il s'agit pas de confondre l'ensemble des journalistes avec ceux qui donnent le ton, ceux qui donnent le là. C'est-à-dire, y compris sur les questions policières, il y a des journalistes qui essayent de faire bien leur travail, y compris dans certains grands médias. Le problème, c'est quelle place on leur accorde, quelle valorisation ou non de leur travail, et puis au milieu de quoi ce travail va se retrouver, c'est-à-dire au milieu de quelle orientation éditoriale, de quelle tonalité générale, de quel bruit. Et bon, sur la réforme ou la contre-réforme, selon les points de vue du code du travail, on a effectivement assisté à quelque chose de bien rodé, qui est, avant même la mise en discussion dans les assemblées de la réforme, un travail de préparation de la part d'un certain nombre d'éditorialistes en vue, de journalistes économiques, etc. La préparation, entre guillemets, de l'opinion à la réforme à venir, avec effectivement des choses bien rodées. C'est la nécessité de la réforme, ça c'est un grand classique, c'est la réforme est nécessaire. Vous avez vu, ce code du travail, il est absolument énorme, il faut l'alléger, il faut le simplifier, ça va de soi, donc la réforme est nécessaire. Ceux qui s'y opposent, évidemment, sont des archaïques, sont tournés vers le passé, ne vivent pas dans le monde réel, etc., etc. Et donc on a un premier temps qui finalement joue un rôle de on attendrit la viande, quoi, avant de la mettre à cuire. Sauf que effectivement ces choses se répètent tellement d'une fois sur l'autre que il y a une distance qui est prise, et c'est de plus en plus marqué. Enfin, toutes les enquêtes un peu qui portent sur le rapport entre la population et les grands médias, la population et le journalisme, voilà, indique qu'on assiste quand même à un phénomène de fond, de prise de distance par rapport aux grands médias. Mais est-ce que ça signifie que ça n'a pas d'effet? Évidemment que non. C'est-à-dire que le bruit médiatique dominant, c'est aussi ce qui est à la base ou au point de départ des conversations qu'on va avoir le matin au boulot ou à la pause café. T'as vu le truc hier, etc., etc. Et c'est finalement des effets qui peuvent soit légitimer, on va dire, une parole qui est la parole de la nécessité de la réforme et qui finalement la fait passer comme étant la seule parole, mais aussi à l'inverse jouer un rôle de délégitimation de toute autre parole. C'est-à-dire, si on n'entend pas cette parole-là dans les grands médias, c'est qu'elle doit finalement être très marginale, très minoritaire, et à quoi bon se mobiliser puisque en fait on va être tout seul, quoi. Voilà, mais là de nouveau je le dis, il n'y a pas de complot organisé dans des salles de rédaction où des journalistes se disent comment on va faire pour soutenir le gouvernement. C'est-à-dire que en réalité, ces éditorialistes et ces grands journalistes politiques et économiques, ont les mêmes formes de socialisation politique et économique et intellectuelle qu'une partie des élites politiques et économiques de ce pays. Ils ont fait les mêmes écoles, ils ont les mêmes formations, ils fréquentent les mêmes lieux, etc. Et donc ils ont une vision du monde commune. Donc pour eux, effectivement, c'est normal d'accompagner ce que les décideurs économiques et politiques font. Une question de René. Oui, donc on pourrait dire qu'il y a à la fois un conditionnement, un formatage et une autocensure des médias, enfin des journalistes. Il y a des formes, effectivement, d'autocensure, c'est-à-dire qu'on a dans un certain nombre de grands médias, on le sait, des journalistes qui ne sont pas forcément d'accord avec la ligne éditoriale du titre ou de la chaîne ou de la station, et qui savent que s'ils proposent tel ou tel article ou tel sujet, telle ou telle interview, ils seront retoqués. Donc en fait, ils le proposeront même pas. Et donc on va essayer d'avoir quelques marges de manœuvre, on va essayer quand même de faire passer deux trois trucs, mais c'est des questions que nombre de journalistes se posent au quotidien. Au bout d'un moment, quand le journaliste, c'est un métier qui est difficile, il n'y a pas beaucoup d'heureux élus qui ont un poste stable. Enfin voilà, c'est de plus en plus difficile de stabiliser une situation professionnelle dans le monde du journalisme, et donc il y a des dilemmes permanents chez un certain nombre de gens sur jusqu'où je suis prêt à rogner, on va dire, sur mon intégrité idéologique, sur etc. pour garder ma place. Il ne faut pas sous-estimer ce phénomène-là. Et on a parfois une vision très très monolithique finalement de les journalistes, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et moi par exemple, j'ai eu l'occasion, c'était pendant les rassemblements de Nuit Debout à Paris, de rencontrer un certain nombre de gens que je connaissais comme journaliste en fait, ou comme salarié des médias, qui étaient sur la place de la République, genre, bah, qu'est-ce que tu fais là, toi, t'es en reportage? Non, je suis là parce que ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui se trouvent à travailler pour des médias qui vont avoir un traitement particulièrement désastreux d'une mobilisation sociale, mais qui en sont quand même des acteurs. Donc ça a un côté paradoxal, mais qui est à l'image des dilemmes et des contradictions qui traversent le champ journalistique aujourd'hui. Merci de faire la transition. Vous-même, Ludovic, vous avez posé une question précisément sur Nuit Debout. Oui, alors justement, vous avez abordé Nuit Debout. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique de Nuit Debout? On a eu l'impression que Nuit Debout a reçu un accueil médiatique plutôt favorable, notamment au début, et que, à la faveur peut-être d'un épisode comme l'éviction de Finkielkraut de la place de la République, est-ce qu'il n'y avait pas eu un regard peut-être moins positif que le début? Qu'est-ce que vous en pensez en fait de solidarité avec Finkielkraut? Voilà, la vidéo où effectivement il est éjecté et craché, voilà. Est-ce qu'on a l'impression, enfin, moi j'ai eu l'impression que ça a marqué un peu un tournant dans le regard médiatique dominant sur Nuit Debout? Oui, c'est vrai qu'au début, il y a eu un accueil qu'on pourrait estimer favorable de la part des, y compris des grands médias, pour, je pense, deux raisons. La première, c'est que il y avait avec Nuit Debout finalement quelque chose qui était différent de la mobilisation sociale entre guillemets classique, les grèves, les manifs, les occupations d'usines ou de voies, etc. Et en fait, pour un certain nombre de journalistes, il y a eu, et même, enfin, même de rédaction, il y a eu une curiosité. C'est-à-dire, c'est un truc nouveau, quoi. Voilà, c'est un truc nouveau, faut aller voir, faut raconter ce qui s'y passe, etc. C'était un objet médiatique, à construire. Voilà, le facteur nouveauté joue souvent, on va dire, de manière favorable pour un certain nombre de d'événements sociaux, a fortiori, comme dans le cas de Nuit Debout, où il y a un côté, finalement, c'est la démocratie qui essaye, qui se cherche, etc., et où, bon, on n'a pas d'hostilité a priori contre des gens qui essaient de renouveler les pratiques démocratiques. Voilà, et le deuxième élément, qu'il ne faut pas sous-estimer du tout, c'est un élément de sociologie du journalisme. C'est que une bonne partie de ceux qui sont des petites mains du journalisme, ou les moyennes mains du journalisme, pouvaient tout à fait s'identifier socialement et sociologiquement ce qui faisait le cœur, on va dire, de Nuit Debout. C'est-à-dire une population, alors même s'il ne faut pas caricaturer sur la composition de Nuit Debout, c'est quelque chose d'assez, c'est l'eau précaire, assez divers. Mais il y avait quand même quelque chose d'une génération précarisée, sans avenir, plutôt urbaine, plutôt éduquée, etc. Et en fait, comme les journalistes. Il ne faut pas sous-estimer cet élément-là. On s'identifie beaucoup plus facilement quand on est journaliste à un trentenaire qui est sur la place de la République en train de dire on va de boulot précaire en boulot précaire et on nous vend un avenir de merde, que à un ouvrier d'usine de 50 ans qui fabrique des voitures et qui dit je veux conserver mon outil de travail, quoi. Voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui permet de comprendre, pas l'enthousiasme, hein, il n'y a pas eu non plus de toute délirance, de beaucoup, ça y est, quoi, mais une sympathie. Sauf que, et je me souviens, c'était Frédéric Lordon qui l'avait dit lors d'une assemblée générale à la Bourse du Travail, et qui avait dit cette sympathie ne va pas durer. Voilà, ne va pas durer. Et dès que il va y avoir autour, dans, via Nuit Debout, des choses plus profondes, des choses qui vont finalement questionner le fonctionnement du système, y compris du système médiatique, la sanction va tomber. Et effectivement, l'épisode Finkielkraut a été peut-être le moment le plus visible. Les choses s'étaient déjà un peu mises en route. Mais bon, avec l'affaire Finkielkraut, où on a eu là tous les chiens de garde habituels qui sont sortis de leur niche pour défendre le droit du philosophe médiatique à aller où il veut, alors que eux ne se préoccupent jamais que tout le monde puisse venir dans leurs antennes, évidemment. Voilà, et ça a contribué, effectivement, cet épisode-là, à accélérer le processus de désidentification et de délégitimation aussi du mouvement Nuit Debout. Et après, bon, il y a eu toutes les déclinaisons. Je passe les détails. Je pense que les gens voient à peu près à quoi je fais référence. Voilà, mais c'est là qu'on voit, je termine avec ça, que les phénomènes sont toujours très complexes, y compris contradictoires, et qu'il faut pas avoir une vision trop monolithique et trop manichéenne de les médias, les journalistes qui maltraitent les mouvements sociaux. Les choses sont plus compliquées que ça, souvent. Donc on entend bien la méthode qui est la même, finalement, que vous avez déjà annoncée avec le mouvement contre la loi El Khomri. Au départ, on est à peu près, on commente à peu près correctement ce qui se passe, et puis progressivement, on va chercher un indice, un événement plutôt, qui va focaliser et qui va permettre d'occulter le reste. Alors sur la mobilisation en général sur la loi travail, je pense pas qu'il y ait eu la sympathie qu'on a pu observer dans une partie du paysage médiatique vis-à-vis de Nuit Debout. Dans la mobilisation sur la loi travail, on a vu tous les classiques, c'est-à-dire la délégitimation en amont, et après, une fois entre guillemets que le mouvement s'enclenche et se développe, le premier des grands classiques, c'est on s'intéresse aux conséquences des grèves et pas à leur cause. Donc quand il y a une grève dans une gare, dans les transports, je sais pas où, on va pas interroger les cheminots, on va interroger les usagers qui expliquent que voilà, c'est la galère et compagnie, qui sont pris en otage, voilà. De même que les manifestations, finalement on informe moins sur le nombre de personnes, le contenu revendicatif qui est présent, des salariés du public, du privé, des jeunes, des vieux, etc., que sur des phénomènes marginaux comme la casse. Voilà, ça c'est un grand classique, c'est de finalement s'intéresser à ce qui est marginal ou à ce qui n'est pas la mobilisation elle-même, et avec ce troisième phénomène qui était, on avait écrit un article dessus sur Acrimed, qui est le grand classique de les pas concernés, c'est-à-dire oui. Tous ces gens qui se mobilisent alors qu'en fait ils sont pas concernés par ce qui se passe, donc ça montre bien que ça cache quelque chose, soit qu'ils sont complètement stupides, soit que en fait ils, sous prétexte de se mobiliser contre une réforme qui ne les concerne pas, en réalité ils poursuivent des desseins. Alors après ça peut être c'est des rivalités entre les syndicats, ça peut être c'est des tambouilles internes au syndicat eux-mêmes, ça peut être en fait c'est des groupes anticapitalistes qui prennent prétexte, enfin bon, etc., etc. Et là aussi malheureusement on est dans le grand classique, quoi. Oui, je n'ai pas dit tout à fait que la loi El Khomri était bien vue. Hein, la loi El Khomri, la mobilisation. Oui, la mobilisation, oui, effectivement. René, une question. Oui, pour revenir sur l'épisode Finkielkraut, j'ai l'impression que, en fait, dès qu'on touche à une icône, à un symbole, la vision se retourne, quoi. Est-ce que c'est... Bah, disons que chez les éditorialistes en vue et les intellectuels médiatiques, il y a quand même des mécanismes de solidarité de caste. Quoi. Oui. C'est-à-dire on ne touche pas à l'un d'entre eux. Et le cas Finkielkraut était exemplaire. On a vu un certain nombre de gens, je pense, je sais pas, Nicolas Domenac, par exemple, là, qui s'est fait épingler il y a pas très longtemps. C'est celui qui voyage gratos avec Valls, là, en allant en Afrique. Je pense à lui. C'était l'exemple typique. C'est dit, je ne suis pas d'accord avec Alain Finkielkraut, mais là, ça va trop loin. Tiens, on touche pas à l'un des nôtres, quoi. Donc les mécanismes de solidarité de caste sont en général invisibles, mais ils existent. C'est-à-dire qu'en permanence, quand on observe, comme nous on le fait, les contenus des grands médias, on voit à quel point ils s'invitent entre eux, ils parlent des livres les uns des autres, etc. Ils bouffent ensemble le soir, ils font des débats, soi-disant des duels, des matchs d'éditorialistes ou je sais pas quoi, et après ils vont fêter ça au resto, tranquille, en se racontant leur vie, quoi. Il y a tout cet aspect de groupe qui monopolise. Il faut pas avoir de vision complotiste, c'est-à-dire que on sait qui c'est, Voilà, c'est des gens qu'on peut nommer, des éditorialistes de grands journaux, des animateurs de certaines émissions, des directeurs de rédaction, etc. Ils décernent des prix entre eux, le meilleur intervieweur, le meilleur du politique, le meilleur machin. Et c'est vrai que quand on s'en prend à un d'entre eux, y compris malgré des nuances idéologiques qui existent, c'est-à-dire ils sont pas tous d'accord, évidemment, ils sont pas tous d'accord, non. Il faut quand même pas aller trop loin. Et en plus, quelqu'un de visible et d'ancré dans le paysage comme Finkielkraut, ça ne pouvait manquer de déclencher une série de réactions, de défense du soldat Finkielkraut, comme on avait écrit à l'époque. Oui, je suppose, effectivement, puisque Finkielkraut ne doit pas faire l'unanimité, mais c'est bien une caste qui réagit, quoi. C'est pas. C'est ça le problème. Oui, Finkielkraut qui anime une émission sur France Culture depuis 30 ans, oui. Dans laquelle à peu près tous les éditorialistes et tous les etc. dont on parle ont été reçus plusieurs fois. Ça marche comme ça aussi. Évidemment. Louis. Oui, on imagine aisément que bon nombre de journalistes peuvent aisément s'identifier aux précaires et que eux aimeraient certainement exercer leur métier dans d'autres conditions, aimeraient ne pas être contraints à renoncer à l'éthique, à la déontologie, etc. Mais donc tout ce que vous nous dites là, ça nous amène à la question fondamentale qui est celle de la propriété des médias. Oui, de la propriété, des formes de propriété, avant même de savoir qui, de donner des noms, quoi, c'est les formes de propriété des médias. Le problème que nous, à Acrimed, depuis le début, on pointe, c'est que une critique des médias qui se veut conséquente et cohérente doit évidemment interroger les modèles économiques des médias et les formes de propriété. À partir du moment où l'essentiel du champ médiatique est dominé par le secteur privé, où le secteur public s'aligne en réalité sur les critères du privé dans des logiques d'audimat, dans des logiques de concurrence, un secteur public qui est sous-financé par ailleurs, ce qui est dominant, c'est effectivement des logiques qui sont classiques dans l'économie capitaliste néolibérale, de faire des économies, des réductions de coûts, de valoriser ce qui va se vendre plutôt que ce qui est informatif ou ce qui est culturellement valorisable. Donc on a des logiques qui sont dominées par cette idée que l'information est une marchandise comme les autres, quoi, hein, pour le dire simplement, et que donc il faut fabriquer des marchandises qui se vendent bien et qui se vendent mieux que celles de la concurrence. Et ça a des effets et sur, on va dire, les contenus et sur les conditions de travail, évidemment, des salariés des médias. Et à ce titre-là, bon, ce qui vient de se passer à iTélé est quand même exemplaire, quoi. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'une grève de 31 jours, ce qui n'est pas n'importe quoi, hein, la plus longue depuis mai 68 dans l'audiovisuel français, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une grève contre Morandini. C'est-à-dire Morandini, c'est la goutte d'eau, hein, ils l'ont toujours dit, mais ce qu'il y avait derrière, c'était des questions de pouvoir travailler dans des conditions à peu près normales, c'était des questions de lien ou pas avec l'actionnaire, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'actionnaire a un droit de regard sur les contenus. Voilà, donc c'était quelque chose d'assez profond et qui pointait le troisième niveau, on va dire, au-delà de l'information marchandise et des conditions de travail, qui est finalement celui de à quoi jouent ces grands propriétaires de médias, parce que là on est quand même dans des phénomènes de concentration assez inédits. Voilà, la formule revient souvent, mais c'est sept groupes qui possèdent à peu près 95% de ce qui se fait comme contenu médiatique en France, et ça pose énormément de problèmes sur les questions évidemment de pluralisme, c'est-à-dire quand la propriété est monopolisée par un si petit nombre de groupes, on peut se demander où va le pluralisme, qui est déjà dans un état absolument catastrophique, mais alors là, ça ira encore plus loin. Un deuxième élément qui est que la plupart de ces groupes, en réalité, sont des groupes pour lesquels l'activité médiatique n'est pas l'activité principale. C'est-à-dire, Bouygues, c'est pas les médias à la base, hein, c'est du bâtiment, c'est etc. Bolloré, à la base, c'est pas les médias. Drahi, à la base, c'est pas les médias. Et donc, en fait, ils appliquent aux médias des recettes qu'ils utilisent dans les autres domaines. Donc ils importent de leurs autres sphères d'activité des modes de gestion qui, alors déjà dans leur sphère d'activité en question, sont évidemment discutables, condamnables et ont des conséquences catastrophiques, mais qui, sur un produit particulier comme elle est l'information, ont des conséquences encore plus visibles, quoi. Et à bien des égards, moi, ça me fait penser à ce qu'on peut dire sur la santé, l'éducation, etc. Ce ne sont pas des marchandises, ce ne sont pas des marchandises, et bien l'information ne devrait pas être non plus une marchandise, elle ne devrait pas être traitée comme telle. Louis. Ce qui est d'autant plus terrible, c'est que c'est leur méthode, ils les importent s'agissant de la façon dont ils feront fonctionner le journal dont ils sont désormais propriétaires, mais aussi dans la défense des intérêts de leurs intérêts initiaux, des intérêts de leurs entreprises premières, puisque il y a quand même un intérêt derrière le fait de reprendre sans cesse la sempiternelle rengaine, la protection sociale plombe la compétitivité, empêche la croissance. Tout ça, ce sont des choses qui vont servir ensuite leurs activités. Dire que il y a trop de déficit, ça permet aussi le recul de la sphère publique pour permettre que la sphère privée, au contraire, s'étende. Oui, oui, alors, il y a deux niveaux, c'est-à-dire, il y a le, on va dire, l'intérêt de classe, quoi, hein, c'est-à-dire, une classe sociale particulière qui est la bourgeoisie, on va dire, qui est multinationale en plus, hein, c'est pas des petits groupes, donc il y a des intérêts de classe qui sont évidemment les intérêts classiques, on va dire, de la bourgeoisie sur la question du rapport travail-capital, toutes ces choses-là. Donc évidemment qu'il y a une vision du monde de la part de ces grands propriétaires de médias et qu'ils aimeraient bien qu'elle soit assumée par les médias qu'ils possèdent. Et puis il y a un deuxième niveau, et avec Bolloré c'est particulièrement marqué, c'est d'utiliser les médias qu'ils possèdent pour faire la pub et pour valoriser leurs autres activités. Et Bolloré, ça fait des années qu'on le dit, mais par exemple Direct Matin, le gratuit de Bolloré, qui est utilisé régulièrement pour faire la promo des Autolib, on a palanqué d'articles sur les Autolib, comment c'est trop bien, oh là là, ce monsieur Bolloré, décidément, qu'est-ce que ils ont des bonnes idées dans son entreprise, dans le journal qui est possédé par l'entreprise en question. Et un des nœuds qu'il y a pu y avoir dans les conflits à Canal+, puis à ITL, c'est ça aussi, c'est ce que Bolloré appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire, en gros, on a une chaîne de télé qui va faire la promotion d'un artiste du label Universal, et qui va faire la promotion de la salle de concert l'Olympia, qui est aussi possédée par Bolloré, qui aura une excellente critique dans Direct Matin, etc. Enfin, c'est-à-dire que finalement, on a des empires par des mécanismes, de regroupement, ont des activités qui se complètent et dans lesquelles les médias ne jouent qu'un rôle, soit de faire valoir, soit de légitimation, soit... Voilà, on pourrait prendre l'exemple de Drahi, qui pose une autre question, qui est ceux de... quand on possède les tuyaux, c'est-à-dire les moyens par lesquels l'information arrive aux gens, et je pense à Internet, etc., et qu'on possède aussi ce qui fait les contenus, ça pose une série de questions. C'est-à-dire, tu possèdes le journal et tu possèdes aussi le moyen par lequel la personne va y avoir accès. On n'est pas loin du conflit d'intérêts. Après, juste un mot, il faut pas surestimer non plus l'intervention directe de l'actionnaire dans les contenus. C'est-à-dire, Bolloré, pour le coup, nous fait revoir un peu cette position, mais c'est-à-dire que il existait encore des marges de manœuvre, etc., dans les médias. C'est-à-dire que c'était pas Lagardère le matin qui disait bon, il faut faire des éditos là-dessus, quoi. Où il y a très peu, quand on regarde, des cas de censure politique ouverte de la part de l'actionnaire dans l'histoire récente des grands médias en France. Mais avec Bolloré, on se rend compte que on est loin d'être prémuni de ça, et qu'il n'y a pas que de l'autocensure. Maintenant, il y a aussi des interventions directes et assumées qui, moi, de mon point de vue, sont finalement à l'image des évolutions sociales plus globales, où on a un patronat qui est de plus en plus violent socialement. Et ça se voit aussi dans le domaine des médias. Justement, je pense que Ludovic va poser une autre question sur ce thème-là. Oui, alors justement sur cette mainmise de la bourgeoisie multinationale sur le contenu justement éditorial et idéologique d'un magazine, je fais référence là à une affaire qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est l'éviction de Aude Lancelin, donc qui était la une des responsables donc du journal L'Obs, et qui a été évincée manifestement pour des raisons politiques de par ses proximités avec un Frédéric Lordon, et puis de par le fait qu'elle avait elle invitait régulièrement dans les colonnes de son journal des gens qui n'étaient pas forcément en odeur de sainteté comme Badiou, etc., par rapport à la ligne Berger, Pigasse, Niel, plutôt social-libéral. Est-ce que tu peux éventuellement revenir un peu sur cette affaire brièvement? Oui. En disant d'abord, et ça va à l'appui de ce que je disais juste avant, que s'il y a de Aude Lancelin est si emblématique et s'il a fait autant parler, c'est tout simplement que c'est la première fois qu'on a un journaliste qui est licencié pour des raisons de désaccord idéologique avec l'orientation éditoriale du journal. C'est quelque chose d'inédit. Hein. Je veux dire, on a le cas d'Aude Lancelin est symbolique aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est pas une pratique courante. Ce qui tend à confirmer ce que je disais juste avant, que les ingérences politiques directes sont quand même plus l'exception que la règle. Mais alors le cas d'Aude Lancelin, effectivement, c'est quelqu'un qui était quand même directrice adjointe de l'Obs, et qui, suite à une intervention pour le coup directe des actionnaires, a été informé qu'elle allait être licenciée en raison de la non-conformité de son travail avec ce qu'était la base ou l'orientation, les valeurs de l'hebdomadaire L'Obs. C'est quelque chose qui, elle le raconte très bien dans le livre qu'elle a publié pour un peu témoigner de ce qu'elle avait pu vivre, un livre qui s'appelle Le Monde Libre, dont on a fait une présentation sur le site d'Acrimed, si les gens veulent aller jeter un œil, et encore mieux acheter le livre. Elle explique à quel point finalement les rapports sont violents à l'intérieur de ces structures rédactionnelles, à quel point vous avez des séances qu'elle appelle des séances d'humiliation, où on vous reprend vos articles, on dit en votre présence, quoi, ça tu peux pas le dire, ça va pas du tout, etc., où on vous dit ta proposition d'interviewer machin ou de faire tel dossier hors de question, et où petit à petit comment on peut être amené à vous empêcher de travailler, quoi. Tout simplement. Mais jusqu'à présent, ce à quoi on assistait, c'était plus des gens qui se retrouvaient placardisés. C'est-à-dire, on t'empêche de travailler, mais on te vire pas parce que c'est trop énorme quand même. Là, avec l'affaire Lancelin, il y a un cap qui a été franchi. C'est-à-dire, un journal sur intervention directe de l'actionnaire peut prendre la décision de virer un journaliste qui est pas dans les cordes. La réaction a été assez importante, mais pas suffisamment, étant donné l'enjeu qui était derrière ça. Et j'indique ici que les problèmes de l'Obs ne sont pas terminés. Pas plus tard qu'hier, vendredi, il y avait une grève et une manifestation des salariés de l'Obs par rapport à des restructurations internes, comme on dit, des plans d'économie et en gros des suppressions de postes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la brutalité idéologique s'accompagne aussi évidemment d'une brutalité dans la gestion des ressources humaines. Tout ça est un paquet cadeau, ça s'appelle le néolibéralisme. Oui, on va effectivement conclure comme ça. On vous remercie d'abord d'avoir accepté d'être en ligne avec nous et de nous éclairer sur la façon dont fonctionnent les médias. Je pense qu'il y a vraiment une utilité d'Acrimed. Alors donc, je répète, si vous ne le dites pas, acrimed.org. Et d'avoir les articles, et notamment l'article auquel vous faites allusion là, sur la loi El Khomri. Voilà, donc merci Julien Saninghe. Saluez pour nous lecteurs d'Acrimed, toute l'équipe, et merci encore d'être venu aujourd'hui en ligne sur notre antenne. Et merci pour l'invitation. Il n'y a vraiment pas de quoi, c'était un plaisir. On va passer un peu de musique. Du temps où j'étais imbécile, du temps où je lisais Rimbaud, j'aimais la musique et les livres, j'aimais Mozart et Picasso. J'avais de coupables faiblesses pour quelques prétendus chanteurs, Brassens et ses histoires de fesses, et Ferré, l'éternel râleur. Je n'entendais rien à la vie, avec mes espoirs obsolètes, mais aujourd'hui c'est bien fini, tout est en ordre dans ma tête. Je me cultive à la télé, grâce au mieux-disant culturel, le monde m'arrive filtré, tout est garanti sur la belle. Je ne suis plus con, comme avant, maintenant je comprends mon temps, j'obéis sans montrer les dents, et je suis très content, content. Avant j'avais soif de justice, je voulais un monde meilleur, et je cultivais tous les vices qui font les peuples sans grandeur. Sans le savoir j'étais complice des pauvres qui sont tous dealers, et je méprisais la police qui ne tire que dans l'honneur. J'ai vu pour comprendre le monde Los Angeles, Hollywood Night, je sais pourquoi la terre est ronde, tout est clean et tout est all right. Je me cultive à la télé, grâce au mieux-disant culturel, le monde m'arrive filtré, tout est garanti sur la belle. Je ne suis plus con comme avant, maintenant je comprends mon temps, j'obéis sans montrer les dents, et je suis très content, content. J'ai mes alertes à Malibu, que je bois comme un vin de messe, de la morale, un peu de cul, ne changez rien, plus rien ne presse. Si je suis sage et travailleur, je finirai par faire ma place dans les cercles des gens de cœur qu'on rencontre dans les palaces. Il faut accepter sans envie l'ordre qui fait les vraies valeurs. Voyez Dallas et Dynastie, les riches ont aussi leur malheur. Je me cultive à la télé, grâce au mieux-disant culturel, le monde m'arrive filtré, tout est garanti sur la belle. Je ne suis plus con comme avant, maintenant je comprends mon temps, j'obéis sans montrer les dents, et je suis très content, content. Brûler les livres dans les rues, vénérer le moindre satrape, bénir les coups de pied au cul s'ils sont de la mule du pape, avoir la foi, sa carte bleue, qui sont garants de l'avenir. Je veux un chef, un seul vrai Dieu, une pensée pour nous unir. Et merde aux affreux délateurs qui parlent de cœurs qui se fanent. Je n'ai qu'une seule terreur, c'est que ma télé tombe en panne. C'était Sarah Véron, Télécon. Petit extrait à écouter avec Ludovic qui conclura ensuite. Bon les gens, il faut qu'on parle. Il y a Donald Trump qui est président des États-Unis. Mais c'est pas ça la nouvelle. Ce qui est hallucinant, c'est les réactions que j'ai pu voir ou entendre depuis qu'il est élu, disant que ça va être l'apocalypse ou la fin du monde. Beaucoup de peur et beaucoup de colère aussi, qui me font penser un petit peu à la situation qu'il y a eu après le vote sur le Brexit. Alors que ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est tout simplement que le système politique dans lequel on est, la démocratie libérale, comme nos pays occidentaux aiment bien l'appeler, ça a échoué. Ça a échoué parce que ça a abandonné les gens et ça fait que ben, du coup plus personne s'intéresse à la politique et plus personne croit ce que disent les représentants du système. Du coup quand ils disent « votez Clinton parce que sinon ça va être horrible », bah ça prend plus. Ça prend plus parce que le monde il est déjà horrible au quotidien pour la majorité d'entre nous. C'est pas la peine de hurler à l'apocalypse quand on vit dans un monde qui est déjà post-apocalyptique depuis des décennies. Bien sûr que je suis pas d'accord avec Trump quand il dit des trucs sexistes ou racistes. Au fond, je pense même pas que ce soit le cas de grand monde. La question, c'est surtout pourquoi. Quand ce mec fait des déclarations sexistes et quand on le dit, ça change rien au fait que les gens votent pour lui. À quel point ça va mal? À quel point le système, il est pourri pour qu'il y ait un mec comme Trump qui soit élu? Parce que la seule chose qu'on veut, en fait, c'est que les choses, elles changent. Et Clinton, elle représente pas le changement. Clinton, c'est l'establishment, le sérail politique. Et la même chose en pire que ce qu'il y avait déjà avant. La crise, les inégalités, aller faire la guerre partout et se retrouver avec les conséquences sur les bras et surtout abandonner la majorité des gens. Il y a un moment, il va juste falloir arrêter de répondre aux événements en étant effrayé ou en étant en colère. C'est exactement la peur et la colère, en fait, qui nous mènent à ce genre de situation et qui ont déjà créé les conditions pour que ça arrive. Ce qui compte, c'est pas Donald Trump est président. Voilà, on voulait vous faire écouter Tatiana Ventose qui, sur la toile, nous a parlé d'une petite vidéo de 30 minutes, de 3 minutes 48. Un commentaire de Ludovic pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Oui, alors il aurait été difficile, eu égard à l'actualité, de ne pas parler de la victoire de Trump, et d'autant plus que ce que je vais vous raconter est dans le droit fil de ce dont on a parlé, à savoir les médias, hein, parce que les médias et les instituts de sondage n'ont absolument pas vu la victoire de Trump. Hein. Je vous rappelle que sur la douzaine des sondages réguliers publiés tout au long de l'année, hein, en 2016, un seul donnait le milliardaire gagnant dans la dernière ligne droite. Cette erreur est pas nouvelle. Hein. Lors des législatives de mi-mandat de 2010, la vague du Tea Party avait été également sous-estimée. Pareil en 2014, quand plusieurs teneurs de l'establishment républicain avaient été balayés par des nouveaux venus ultra-conservateurs. La presse également et les sondages n'avaient pas vu venir cette vague ultra-conservatrice. Alors, l'une des explications qui a été mise en avant par un certain nombre d'analystes américains, c'est ce qu'ils appellent la confirmation biais, c'est-à-dire la condition psychologique qui pousse les êtres humains à préférer les informations qui valident leurs attentes et à écarter les données qui les contredisent. Or, l'immense majorité de la clique des analystes, reporters, conseillers politiques aux États-Unis appartiennent à la même bulle, classe moyenne ou supérieure éduquée, à l'aise financièrement, habitants des métropoles connectées au reste du monde. Et donc, peu importe que certains soient de droite ou d'autres de gauche ou certains politiques, ils ont tous vu en Trump un bouffon, une star de la télé-réalité, incapable et indigne d'exercer les plus hautes fonctions de la nation. Donc, selon cette tendance aux confirmations biais, ces prévisionnistes ont donné moins de poids à tous les sondages, tous les récits, donc toutes les briefs d'informations qui contredisaient leur vision préétablie de Trump, sachant par ailleurs, mais ce qui n'est pas propre aux États-Unis, que les sondeurs ne publient jamais de chiffres bruts, mais des données corrigées en fonction des données démographiques et politiques, mais aussi en fonction de leur lecture du pays. Et du coup, on comprend mieux à travers ce biais, on comprend mieux l'erreur collective des enquêtes d'opinion sur cette histoire de Trump. Alors, il y aurait d'autres raisons, mais c'est un des éléments, je trouve, là, qui, à mon avis, peut expliquer la myopie, l'aveuglement total des gens sondeurs et autres journalistes. Merci. Voilà, si vous avez des... vous pouvez rebondir ou acquiescer. Nos auditeurs et auditrices rebondiront elles-mêmes. Ils ont encore des choses à dire, et notamment le carnet d'activités d'attaque avec René. Alors, au plan national, René, qu'est-ce qui se passe? Il y a la COP, c'est même international, alors, la COP, voilà. 22. Il y a la COP 22 qui s'est déroulée à Marrakech du 12 au 18 novembre. Elle succède bien sûr à la COP 21 tenue à Paris en 2015. Les médias lui ont accordé peu d'attention. Elle portait essentiellement sur l'agriculture comme moyen de compensation carbone, mais par des solutions controversées génératrices d'effets pervers, qui, in fine, mettront en péril la souveraineté alimentaire, la biodiversité et les écosystèmes. D'où la déclaration « Nos terres valent plus que du carbone », signée par nombre d'organisations, dont Attaque France. Également, reprenant de manière plus globale les revendications des mouvements et organisations de la société civile, la déclaration de Marrakech que l'on peut trouver sur le site d'Attaque France. Et bien sûr, on va parler de Notre-Dame-des-Landes avec le coup de poignard dans le dos de la Cour administrative. Oui, qui n'a pas suivi la demande du rapporteur public concernant l'annulation des arrêtés préfectoraux. Face à cette obstination de faire aboutir un projet inutile et destructeur, Attaque réaffirme son soutien et sa solidarité envers les opposants à l'aéroport, ainsi qu'au mouvement qui, partout, lutte contre les grands projets climaticides. Eh bien, il y en a un qui ne va pas lutter contre ça, c'est Trump. Oui, sans aucun doute, c'est un sacré coup dur. L'accord de Paris, malgré ses incohérences et ses insuffisances, avait au moins amené une reconnaissance du problème par l'ensemble des États. Maxime Combes, sur le site d'Attaque France, toujours, nous présente une analyse sur les conséquences, les dangers de minimisation de l'impact et sur les moyens d'avancer malgré tout. René, d'autres informations sur le site d'Attaque ? Oui, le 12 décembre au Luxembourg, le procès en appel de LuxLeaks. En effet. Antoine Deltour. Voilà, Antoine Deltour, Raphaël Allais et Édouard Perrin, les deux lanceurs d'alerte et le journaliste qui a révélé l'affaire, donc comparaissent le 12 décembre. Et Attaque France appelle à une mobilisation ce jour-là au Luxembourg et affrète un quart au départ de Paris. Je rappelle que c'est presque un gag, que la Cour de justice luxembourgeoise avait apprécié la qualité du travail d'Antoine Deltour. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, il y avait évidemment l'évasion fiscale. Oui, toujours le procès de l'évasion fiscale. Alors, suite, là, c'est un autre procès, c'est John Palais, le premier faucheur de chaises à être poursuivi. Une action est prévue le 9 janvier 2017 à Dax, puisque ce sera le jour de son jugement, je crois. Et parallèlement, se déroule actuellement une campagne faisant le siège de la BNP Paribas pour dénoncer son rôle dans l'évasion fiscale. Des occupations d'agences ont eu lieu à Lyon et à Marseille, entre autres. Et la lutte continue. Et puis alors, il y a une campagne contre les traités faussement appelés de libre-échange, notamment le CETA. Alors, vas-y René, il y a un paquet de choses à dire. Ben, je te relaie d'ailleurs, vas-y. Oui, tout à fait. Et cela nous mène à évoquer justement nos activités locales. En plus. Notamment celle du collectif Stop TAFTA de la métropole lilloise, que vous connaissez tous, qui, avec la collaboration de Nuit Debout, ont été particulièrement denses ces derniers temps. Avec déjà la participation à la manifestation nationale organisée à Paris le 15 octobre. Nous avons réussi à affréter un quart et à emmener une quarantaine de personnes. 18 octobre, rassemblement devant l'hôtel de ville de Villeneuve-d'Ascq à l'occasion de la tenue du conseil municipal pour inciter les élus à déclarer la ville hors TAFTA et CETA. 22 octobre, Lille hors CETA. Rassemblement devant le Théâtre du Nord, Grand Place, avec visuel et lancement de la pétition Lille hors CETA, que l'on peut aussi signer sur Change.org. N'hésitez pas. 26 octobre, apéro Nuit Debout sur la place de la République pour exprimer notre soutien à la Wallonie en lutte contre le traité, évidemment, et contre la Commission européenne sur ce traité. 2 novembre, à l'initiative des gens d'LM, qui font également, je le rappelle, partie du collectif, table ronde à l'espace Les Acacias d'LM Lille. 5 novembre, dans le cadre de TTIP, Game Over, fin de partie, semaine d'action des désobéissances civiles internationales contre les traités. Une série d'animations a été réalisée sur la Grand Place. Le 15 novembre, participation à la conférence organisée par la mission Lille Eurométropole Défense Sécurité sur les traités TAFTA et CETA à l'Université catholique de Lille, où nous avons fait valoir nos arguments et critiques au cours d'un trop court débat. Et toi d'abord, tu es intervenu. 19 novembre, aujourd'hui, même une action est prévue sur la Grande Place de Lille à destination de McDo suite à sa plainte contre la ville de Florence. Et ce n'est pas fini, je suppose. Oui, en effet, nous prévoyons d'interpeller les députés européens de la circonscription en allant les rencontrer à leur permanence. Ceci en prévision de la ratification du CETA par le Parlement européen, qui doit intervenir le 14 février 2017, tout en continuant bien sûr nos actions envers les élus locaux et les députés nationaux. Au plan communication, doit se mettre en place une meilleure utilisation des réseaux sociaux et une interpellation plus soutenue des médias avec dossiers et conférences de presse. Et bien sûr, nous poursuivons le recueil de signatures pour la pétition et l'information envers nos concitoyens. Lille hors TAFTA, tu veux dire. La pétition Lille hors TAFTA. Et enfin, pour aujourd'hui, 19 novembre, le rendez-vous est à 12h45 devant le Théâtre du Nord, Grand Place, si vous voulez y participer. Bah, ça aurait pu être devant le McDo, ça aurait pas été plus con. En fait, c'est le même endroit. Je crois qu'au final, de là, on va aller vers le McDo. D'accord, il y a des chances. Bien, eh bien, chers amis, l'émission est en train de se terminer. Je rappelle que notre émission est réécoutable et podcastable pendant 2 mois sur campuslille.com. Ludovic, un mot ? Oui, alors au chapitre juste des événements qui pourraient être intéressants pour nos auditeurs, ce soir à Cité Philo à 18h30, dans le cadre de Cité Philo au Palais des Beaux-Arts, ce cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie, c'est le titre d'un ouvrage de Dardo Laval. Dardo Laval, donc, ils seront ce soir à 18h30, dans le cadre de Cité Philo au Palais des Beaux-Arts, si ça vous intéresse. N'hésitez pas, il faudra arriver assez tôt. Il faudra arriver assez tôt, j'imagine. Ouais. Il y aura aussi, sur le même sujet avec les mêmes auteurs, ça sera le 2 décembre, donc si vous ratez ça ce soir, à 19h au lac de Liévin. Ça sera sur le même sujet avec les mêmes auteurs. D'accord. Eh bien, maintenant, on va se dire adieu. Nous nous retrouvons le 17 décembre, où en principe, nous devrions aborder la question de la transition énergétique. Et c'est même René qui devrait s'y coller. Oui. Voilà. Donc, une émission scientifique, pour tout dire. Pour le moment, c'est Françoise que j'ai aperçue qui va prendre le relais pour une petite émission, pour une émission au bord de la rivière. Je parle de l'émission Traverse. Eh bien, bon week-end à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine émission sur... Et restez fidèles à Radio Campus 106,6 MHz.